3, nous défendons le moins possible et ne faisons de mal à personne. La défense dans les cadres humains, cela signifie préserver l'existence de l'extinction et de la continuité de la vie. Parce que nous sommes dans les facteurs d'un système cosmique, ils sont inséparables les uns des autres et ils continuent tous aujourd'hui comme ils étaient dans le passé. Et ils doivent continuer vers l'avenir et parce que le mal est mal et le mal est. C'est l'incarnation de l'acte de laideur, c'est donc un facteur contradictoire avec la beauté, qui est l'un des facteurs les plus importants de l'humanité et donc nous ne devons pas nuire à personne, alors que nous sommes dans le contexte de l'humanité. Astérisque. En conséquence, il existe quatre facteurs prestigieux qui contrôlent les positions de la croyance unique homme et de tous ceux qui ont suivi son approche lorsqu'ils prennent une décision. Détermine une position ou exerce une activité, à savoir, la conscience, la douleur, l'existence et l'humanité, sont prises sur deux critères. Ils sont dimension négative et dimension positive, avec considéré de trois éléments sont 1. Source, c'est l'acteur à l'origine de l'acte ou de l'activité. 2. Cible. C'est l'objet sur lequel l'action du sujet se décline directement ou indirectement. 3. Le destinataire. Il est affecté en fonction de sa relation avec la source du sujet ou en fonction de sa relation avec le destinataire. Astérisque. Ces considérations sont prises en fonction de l'effet de l'acte, que ce soit dans le présent, le passé ou l'avenir. Par exemple, lorsque vous enseignez à un humain il y a 1000 ans comment il se suicide pour triompher. Alors tous ceux qui tombent sous le coup de cela, si négativement ou positivement sur lui à tout moment et n'importe où, ont une sortie dans le récipient du premier source, le sujet. Et cela s'applique à tout activité, quel que soit son type, ou qu'il soit négatif ou positif, à la suite de vos fruits continus dans l'existence. Et que les actions sont comme des souches d'êtres grandissent et se développent parce que la naissance de tout être dans l'univers, c'est un sujet parmi les sujets. Astérisque, lorsque vous faites quelque chose, ou lorsque vous mangez quelque chose, ou lorsque vous buvez quelque chose, ou lorsque vous faites un pas, ou lorsque vous dites un mot, ou lorsque vous adorez un dieu, ou lorsque vous établissez une relation, ou lorsque vous faites une activité, ou lorsque vous apprenez à connaître quelqu'un, ou lorsque vous portez quelque chose, ou lorsque vous achetez quelque chose, ou lorsque vous vendez quelque chose, ou lorsque vous donnez quelque chose, ou lorsque vous recevez quelque chose, ou lorsque vous écrivez quelque chose, ou lorsque vous lisez quelque chose, ou chaque fois que vous entendez quelque chose, ou lorsque vous voyez quelque chose, nous, dans le credo unicum, les juge en fonction de ces facteurs. Considération, normes et mesures, en fonction de la responsabilité personnelle volontaire, afin de ne pas nous nuire et non nuire à autrui en tant qu'être humain. Et non d'un point de vue idéologique, pas de point de vue juridique ou de légitimité, parce que nous pensons fermement qu'il n'y a pas de foi, pas de loi, pas de légitimité et aucune obligation sur la conscience de l'esprit humain, et donc nous contrôlons nos comportements par nous-mêmes. Selon ce qui atteint la sécurité et le bonheur pour nous tous et il en est de même pour le bonheur et la sécurité des autres et que ce sont nos concepts et concepts d'humanité et c'est le sens de la liberté pour ceux qui se demandaient ce que vous ne voulez pas et ne faites pas accepter pour vous-même comme une contrainte en elle. Ne l'acceptez pas et ne le faites à personne d'autre parce que vous deux, un miroir réfléchissant, un jour ont la même image rebondit en vous. À vous le salut et jusqu'à ce que nous nous rencontrions.